بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل اليوم في المسألة السادسة والتسعين، ونحن دخلنا في سورة الرعد لتونير. فقوله عز وجل: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. Que ceux à qui nous avons accordé le livre auparavant se réjouissent de ce qui est descendu sur toi. Verset 36. Ra'd, tonnerre. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على إيمان أهل الكتاب، لأن الفرح بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم دليل الإيمان، ونظيرها قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وقوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به إن الذين أوتوا العلم من قبله الآية. Donc l'auteur, rahmallahu ta'ala, a dit que ce noble verset démontre dans son apparent que les gens du livre ont l'iman, ils ont la foi. Car la réjouissance de ce qui est descendu sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une preuve de cette foi. Seul un croyant peut aimer cela. Et également des versets dans le même sens qui sont venus dans lequel Allah dit que ceux à qui nous avons accordé le livre le lisent avec rectitude, de façon réelle, comme il doit être lu. Afouen. Surat al-Baqarah, verset 121. Et il dit également dans le sens, en surat al-Isra, verset nocturne, verset 107, dit: croyez-y ou que vous n'y croyez pas, certes ceux à qui la science était donnée auparavant, c'est-à-dire parmi les gens du livre, si jamais les versets sont récités, ils tombent prosternés, c'est-à-dire par l'iman. Donc, s'il montre que les gens du livre ont la foi par rapport à ces versets-là. وقد جاءت آية تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، إلى أن قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. Donc d'autres versets sont venus dans s'opposant à la parole de ce verset là, comme par exemple dans sourate Al-Bayyinah, dans lequel Allah Azzawajal dit à propos des gens du livre: certes, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, ne cesseront de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Donc ce verset-là s'oppose à ce que nous venons de citer. Et le verset à la suite, lorsque dans le sens où Allah dit: certes ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les associateurs seront au feu de l'enfer. Al-Bayyina également, versets 1 et 6. قال وبينا في موضع آخر أن الكافرين من أهل الكتاب أكثر. وقوله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Et dans d'autres versets, Allah démontre également que les kafirun parmi les gens du livre sont les plus nombreux. Ils sont les plus nombreux. Parmi les gens du livre, ceux qui ont mécru sont plus nombreux que ceux qui ont cru. Dans le sens où Allah a dit, et certes ceux, dans le sens où il dit que si jamais les gens du livre avaient cru, cela aurait été meilleur pour eux. Et parmi eux, il y a des croyants, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Al-Imran, famille Imran, verset 110. قال والجواب أن الآية من العام المخصوص. فهي في خصوص المؤمنين من أهل الكتاب كعبد الله بن السلام ومن أسلم من اليهود وكالثمانين الذين أسلموا من النصارى المشهورين كما قاله المرداوي وغيرهم. وهو ظاهر يدل عليه التبعيد في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمنوا بالله. Donc la réponse est que ce verset là c'est un verset général dans son apparence, mais qui vise par là une chose spécifique. Un verset général, mais qui ne s'applique pour une chose spécifique. D'accord ? Et c'est par la particularité des gens du livre qui ont cru. Ceux qui sont soumis à Allah Azzawajal, comme Abdullah ibn Salam, qui était un Yahoudi et qui s'est converti. Et d'autres parmi les Yahoudis qui sont convertis. Et également parmi les 8 qui se sont convertis parmi les Nasara, dans l'histoire qui est connue. Comme l'a apporté Emma Wardawi. Ou Emma Wardi. Emma Wardi. et autres. Donc là, c'est l'apparent, et cela est prouvé par le côté partiel du verset, lorsque Allah dit, dans le sens, et parmi les gens du livre, il en est qui croient en Allah. C'est-à-dire, parmi eux, il y en a qui croient en Allah. D'accord ? Donc c'est pas tous. Et même les versets précédents démontrent qu'ils sont une minorité, ceux qui croient en Allah, Azza wa Jal. Allez, Imran, verset 199. Et bien évidemment, ceux qui croient en Allah rentrent en islam. Pour ne pas que des gens s'imaginent que parmi les chrétiens et les juifs, il y en a qui ont eu le Coran, qui sont des croyants, et ils sont restés juifs et chrétiens. Ça, c'est pas possible. Si jamais ils croient, ils rentrent forcément en islam. S'ils refusent l'islam, c'est qu'ils n'ont pas cru. Ne pas s'imaginer que se dire que parmi les gens du livre, quelqu'un qui se dit aujourd'hui, Yahoudi, Nasrani, il dit, je suis un croyant, je crois en Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, mais je reste sur ma religion, celui-là, il aura mécru. Ce n'est pas un croyant. Ceux qui ont cru parmi les gens du livre sont ceux qui sont rentrés en islam. Même comme Al-Najashi Kazalik, qu'on appelle le Négus, qui était le roi d'Abyssinie, le roi d'Éthiopie, qui avait accueilli les premiers Muhajirin. Non. Donc ça, c'était l'explication qu'en fait, ce sont certains parmi les gens du livre. D'accord ? Certains. Ceux qui étaient des vrais croyants dans leur kutub, et qui sont devenus des vrais croyants à l'écoute du Coran et à la venue de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Fabi hadal qad naktafi, subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.